You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and streaming online at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-8341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Right now, it's just me, Romain. I'm waiting for Freddy, who's still probably eating his cheese curds. and tonight is another special show with a pledge drive. And as you know, KFAI is listener supported, and this is our big fall drive. And we will also have the pleasure of welcoming on the show Amita from Panache Apple. And we're going to listen to a lot of great songs that all deal with money. Why? Because that's what we need right now. It's pledge drive. It's our fall drive, and that's what we need. So, and Freddy just showed up in the studio. Indeed. Salut, Freddy. Salut, salut. Indeed, oui. Yeah, a lot of songs about money. Yes. And some prize for people who are giving us money. Yes, including. And we'll talk about that later, but various juices and ciders from Panache Apple. Exactly. And some concert tickets, too. Yes. A bunch of stuff. So. All right. So well, why not give? Yeah. I mean, it's a win-win situation. Indeed. Yeah. Well, I'm going to let you, leave you some time to get ready. Uh-huh. And actually, you can all hear his, just took off his jacket and... And my t-shirt and... No, yep. That's it. Just the jacket. We can talk also about a little bit about the events. I got a nice email today, a surprising one, and nice, saying that En Avant, L'Étoile du Nord, is going to be played in Somerset. Oh, yeah, in Wisconsin. Yes. Yes. Soon. I think it's November something. Yeah. And we'll probably have some time, because I don't know how long she's going to, Christine, the director, is going to stay in Minnesota, but probably for at least a month. So I'm sure we'll have her on our show at some point. Yeah, and she'll be there for the Q&A for that specific Somerset, session. Yeah. Mm-hmm. Did you say that we went to see Le Vent du Nord on Sunday night? No, not yet. And actually, Le Vent du Nord, that's a great segue. Yeah. Because Le Vent du Nord is featured in, their songs are featured in Christine Loïs's movie, En Avant l'Étoile du Nord. And Le Vent du Nord is this awesome band from Quebec. Yeah. And they played at the Cedar Cultural Center on Sunday night. And that was, I think, their 10th time, they said, in 20 years. At least somewhere like 10 times. I think that's what they said. And they are celebrating their 20th anniversary this year. Yeah. So, well, not the Cedar. Le Vent du Nord. Yes. And it was just a great show and very lively. And you cannot not, you know, tap your foot. Yeah. On the floor, not on your, the person sitting next to you, because, that was Adrian, and I don't think he would have appreciated that. So. That's true. But, it was really uplifting, and, they are the traditional Quebecois songs, you know, and so a lot of violin and guitar, and they had the hurdy-gurdy, too. Yeah. Mm-hmm. So that was really nice. Which I think is, that's what we call une vielle. Yeah. Yeah, and they were playing also the guimbarde, the jaw harp. I don't think I've seen that. Ding, ding, ding, ding. Oh, yeah. I've seen that. Yeah, I mean, it sounds better when you actually play the jaw harp. Yes, much better than Romain's doing the impersonation. So it's Pledge Drive tonight, so feel free to go to KFAI.org, give us money, and we're going to have prices for you. And because you have to leave your email address, we'll contact you back, saying, what do you want? Mm-hmm. So we're going to start with three songs. The first song is from Rissé Barrier, and that's the classic Yaputsu. We always start our Pledge Drive show with Yaputsu. Yeah, and the reason is because, what was there, 3 years ago, something like that? When you started, when you first volunteered to help? No, that was before we started on the show. So it was in 2017, 2016. Well, we've been on the show for six and a half years. Yes. Yeah, at least 17. Yeah. But that was the first song that played, and these guys loved it. So it's a funny song. It's a country song and things like that. So we're going to listen to Y'a plus de sous. And Y'a plus de sous means there's no more money, so we need some. Then we're going to listen to François Jacqueline with L'Argent, or Money. And then Le Vent du Nord with Pauvre Enfant, Poor Kid. Mm-hmm. On y va? Eh bien, c'est parti. Turn it on. Un sou, ça n'est plus un sou comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, les sous, on les voyait pas souvent. Le père les cachait, il faut être prévoyant. On savait si on avait des sous ou pas en regardant la bosse qu'il y avait sous le matelas. Oui, monsieur. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut faire la comptabilité. Même le cul des poules, maintenant, il faut le calibrer. Car si on a le malheur de faire des œufs trop gros, paf, ils vous foutent dans une tranche supérieure d'impôts. Olé, vache, bon sang, bon soir. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, quand on allait vendre ses pommes de terre, c'était au bistrot devant une chopinée de verre. On se tapait dans la main pour conclure le prix. Paf, parole de nez, cochon qui s'en dédie. Oui, monsieur. Mais au jour d'aujourd'hui, pour vendre le fromage de nos bics, faut se servir d'une calculatrice électronique. Car s'il y a de la hausse dans le dollar américain, et bon, il y a de la baisse dans le reblochon et dans le crottin. Olé, vache, bon sang, bon soir. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de plus de sous, maman. Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, on se mariait pour faire des enfants, et la fiancée était choisie par les parents. Oh, c'était bien si elle avait de jolis tétons, mais l'important c'est ce qu'elle mettait dans le corbillon. Ah oh, ouais, monsieur. Mais au jour d'aujourd'hui, la femme doit tenir la caisse. Ma Germaine à moi, c'est la reine du show business. Elle dit que pour s'enrichir, il faut s'endetter. Quand elle l'a dit ça, le grand-père a ben failli claquer. Ouh. On sent mon frère, y'a plus de sous papa, y'a plus de sous maman. Un sou, ça n'est plus un sou comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous papa, y'a plus de sous maman. Les sous qu'on a chez les sous, mais ça n'est plus de l'argent. Y'a plus de sous papa, y'a plus de sous maman. Un sou, ça n'est plus un sou comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous papa, y'a plus de sous maman. Les sous qu'on a chez les sous, mais ça n'est plus de l'argent. Oh, on s'en sort quand même. Mais ça coûte cher les petits voyages en Suisse. Arrivé dans la vie, mort dans les fruits à pleines dents, rêvant de moulins en folie et de jardins pour les amants. Je voulais connaître le monde, tous les reflets du macadam. Je rêvais de berceaux sur l'onde et des sirènes d'Amsterdam. Argent sans argent, pas de bateau, pas de berceau, pas un sou d'amour. Argent sans argent, pas de moulin, pas de jardin et pas de rêve autour. Le port d'Amsterdam attendra des nuits et les filles de joie pourront mourir d'ennui. Chacun attendra le temps qu'il lui faut pour s'acheter du bonheur à gogo. Argent sans argent, pas de sommeil, des réveils toujours angoissés. Argent sans argent, que des murs, de grands murs qui empêchent d'avancer. Tous les beaux voyages que mon Charlie, un beau soir d'avril, m'avait pourtant promis, ils sont sur mon front, ils sont dans les airs, car Charlie épousa la petite fille du notaire. Dès lors, j'ai délaissé mes rêves, plus haut que les murs, j'ai grimpé. Le regard froid, le cœur sans sève, avec l'argent, j'ai fait la paix. Alors, fini tous les mystères, j'aurai d'un geste machinal toutes les étreintes de la terre, tous les vertiges des capitales. L'argent, je l'aurai dans mes mains, doux comme du velours. L'argent, tout l'argent coulera dans mon sang de la nuit au jour. J'achèterai des pauvres, j'achèterai des rues pour ne plus entendre des gens qui se tuent. Et je mettrai le prix pour des vérités que je lancerai à toute la société. L'argent, tout l'argent sera là pour cacher mes plus grands péchés. L'argent, tout l'argent me rendra plus puissante et je le dépasserai. Au bout de mes doigts, j'aurai des ficelles pour les faire danser les hommes et les belles qui m'ont fait au cœur du mal et du mal. Et Charlie reviendra avec moi dans le bas. S'en prenait pitié de ma misère. Soulage-moi, je suis un pauvre enfant. J'ai faim, j'ai soif lorsqu'on n'a plus de mère. Oh, que la vie est un fardeau pesant. Elle n'est plus cette mère si bonne. Me voilà seul, errant sur le chemin. Je tends la main, rarement l'on me donne un peu de pain pour apaiser ma faim. Lorsque la nuit de sa longue robe grise éclipse au loin, doux azur des cieux, sous un feuillage agité par la brise, vers le pensée, je rejette les yeux. Je la revois, cette mer si bonne, je crois encore reposer sur son sein. Je veux parler, mon cœur au cri l'entend, mais les consoles répondent à l'orphelin. Sans tremblant, mon rituel poudreux, au tout puissant, j'adresse une prière. Quand j'ai prié, je suis moins malheureux. Je songe au ciel, au bonheur de l'innocence, où règne Dieu, le père du faible monde. En lui, j'espère, il gagnera mes souffrances. C'est un bon père, même l'orphelin. Voilà, we are back, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, and this is Romain. And Freddy. And today is Pledge Drive, uh-huh. Hence those three songs that we've just listened to about exactly. Money. Yeah, about money. Can you remind us what those songs were? I can tell you exactly what they were. Yes, I want to. Okay. Yeah. Mm-hmm. We're gonna listen. We just listened to Rissé Barrier with Y'a plus de sous, No More Money, and then Jacqueline François with L'Argent, and Le Vent du Nord with Pauvre Enfant. Le Vent du Nord, who was there on Sunday, and we went to see them. And mm-hmm. I don't think it's a song that they sang, but this one is a little bit more sad, slow. Where I mean, in concert, they're typically privileged. Well, the Louise who died was a sad one. Yeah, it was sad, but it was still uplifting. I mean, like the yeah, rhythm no, of the music was still. Well, we didn't get too plus happy. It could have Louise been died. You know, uplifting if nobody liked her. Yeah, that's true. That's true. Hooray! Yeah. So it's Play Drive, and tonight we have the special. We have a special guest. We have Amita from Panache Apple. And she gratefully, I mean, I very nicely offered to give us some drinks. And not give us some drinks like, you know, she didn't get us to the bar or anything. She she got us some... Because I asked for an old-fashioned, I didn't get it. She brought us some wonderful apple juice with different flavors. And cider. And like that. And cider. So we're gonna listen to Amita and listen to her background, where she comes from, because she's the head of Panache Apple. So we feel very privileged to have her with us, and she's gonna talk about the apple juice and the ciders and how it's made and how Panache are. Hey guys, good evening. Well, let's first make some clear distinctions here. Mm-hmm. I went with the name Panache because of the connotation, what it portrays, mm-hmm. which is a ton of class, some snootiness, but mostly quality. So, yes, my name is Amita. I'm the owner of Panache. It is a company that adds value to our own apple, the apples that are grown in the Driftless Valley of southern Minnesota. So Panache doesn't take any apple that is available for as a dessert, as a fruit. Right. So we don't have pink ladies in our juices. So what we do is we go with apples that have a history, a heritage, and then we juice these apples, and once they are juiced, we add to it botanicals like turmeric and ginger and aronia berry, which is the same as elderberry, same family, coming from northern Minnesota, and then sour cherry, to sort of make fun beverages that can be used as smoothies, as a base for mocktails. But, you know, they kind of substitute for elements that help you with your daily life: inflammation, immunity, mm-hmm. muscle relaxation. Oh, yeah. And then things like antioxidant. Yeah. So, you know, whilst having fun, you can serve a purpose too. But then since you do the juice, you can take it to the next stage. Yes. So I take it to the next stage and I ferment it twice. Oh, wow. The method is... double fermentation, like Champenoise method. Okay. And then that gives me hard cider. Nice. About 4.5% alcohol. And it's very similar to the cider that you see in Brittany and Normandy. Mm-hmm. Now, why me? I agree. Yeah. Mm-hmm. Yeah, we got to try it. Yeah. And why that cider and why that part of the world? It's because I was there for a good 7 years in that part of the world. Okay. As a poor student, okay. I had to earn some extra money. So I worked in the orchards and uh-huh. got to know the business. Nice. So I come here, I'm an immigrant, I have a job, but I'm getting bored. So I said, why not start a company and do all of this? But more importantly, why can't I bring this to KFAI during their pledge week, yeah. share it with all of their audience. That is true. That's exactly what I'm doing. It's a very good idea because the products are local. I mean, the products are local mm-hmm. with a French method, and it's fantastic. So we have, it's what we call cases of 8 bottles. Six of them. One case, yes. 6 bottles. And so if you give $20 to KFAI, kfai.org, you can have a case. So you can have. But we don't. We need to specify that we don't have an unlimited supply. Exactly. It's first come, first serve. As soon as we're done, we're done. And people need to be local too, because we're not shipping. We're not shipping, and we can do delivery some. I'm volunteering if people can't really drive at all. I'm volunteering to do it. But yeah. So we have that, and then the first person who's giving us $50 as a gift can have a small bottle of cider. Hard cider, 365 ml. Yeah, so half a bottle. Yeah. Mm-hmm. And then... Actually, it's two servings in that small bottle. Oh, so yeah. It can be a nice, quiet, romantic evening. Yeah, in front for of the fireplace. When you pop the bottle open, the bottle has a cage. It has a wire. It's like champagne. It pops when you open. Nice. It's got attitude. Yeah. And there's fizz to it. And then there's bubbles to it. And it's pale gold. And it's dry. Beautiful setting. It is. It is. So, you know, yeah. I'm thirsty. Well, and plus, you know, like the dark days are coming up. Like with the winter. I mean, it's the end of fall and things. So, I mean, it feels very cozy, yeah. You know. And the first donor, who's going to give us $100, gets a whole bottle. The whole bottle. The so. 750 with mm-hmm. four servings in it. Yes. And you don't have to have it at one go if you don't want to. Right. And it can be put aside and the bubbles will remain for a couple of days and it'll be just as good. That's two dates. Preferably with the same person, but... Yes. Because you don't want to... Because otherwise you would have to recork it and, you know, to do the... again. Yes, that's complicated. Absolutely. Yeah. So, kfai.org, please get to your computers. I mean, we don't have anybody on the phone tonight because people have been busy, you know, staffing during the mm-hmm. day. But we can see emails coming through. And, I mean, it'll take a little bit of time to maybe have the list of the people who gave. But... really quickly, we'll know if if you have it. But the faster you go, the faster you'll have it. I mean, the faster you'll make sure that you have it. And one of the things that we have as well is we have three pair of tickets, and we're going to give one tonight and two next week. We have three pair of tickets for Café Accordéon Orchestra, who's going to play at the Dakota Jazz Club. And I don't remember the exact date. I think it was November 16, but I'll double check because we usually talk about the events around 9-ish, and I'll give you the specific dates to see if you guys can go or not. But that's also a very nice thing. So just any amount and a pair of tickets is yours. All right. Super. Yeah. And the juices, folks, there's no need to drink them in a hurry. They're shelf stable. The packaging is pretty. You can leave it on the countertop in your kitchen and enjoy the colors and then consume it with just a bit of ice on the rocks or in a smoothie, in a cocktail, in a mocktail. But don't miss this opportunity. Kev, AI, I'm very honored to be here and very honored to be a part of this pledge drive week. Yeah, and we really appreciate it. I think the two of you would love it, and so will everyone else. Mm-hmm. True. We do love it. We know some of it. So Café Accordéon Orchestra is going to be on November 19th. So you get time. And it's a Sunday night. That's it's a night that I can go, maybe. Yeah. Potentially. We'll see. What venue I didn't hear? Dakota. Oh, Dakota. Oh, yeah. Dakota Jazz Club. So, all right. And we're going to play a little bit more music, still about money. So we're going to move now to a little bit more rock and roll, at least for a couple of songs, very 60s. We have Pat Winther and Liz Sanders with L'Argent de Poche, or it's Allowance. And Jacques Dutronc with L'amour est le moteur du monde. Love is driving the world, but he's talking about money in it as well. And Charlie Lécouture with Le temps, l'argent, le vent. Le temps, I'm not sure if it's meaning like le temps, like the weather or the time. Maybe. Yeah, I don't know. Yeah, not sure. And l'argent is money and le vent is the wind. So maybe it's by the weather. Maybe time. Yeah, maybe we should listen to it. Yeah. All right. Yeah. On y va. Because the time is money. Au fond des poches, j'ai fouillé, mais je ne trouve pas grand-chose. Je n'ai que 10 francs chaque semaine, mais c'est quand même quelque chose. Ah, mes parents se sacrifient pour que j'étudie. Car moi, je ne suis pas un fils à papa. Les cours finis, je voudrais gagner ma vie. Car c'est quand même moche d'être sans argent de poche. Je prends 5 francs pour le dimanche, le reste c'est pour la semaine. J'ai le choix entre le cinéma, le bar et la fête foraine. Pour aller au music hall avec tous mes amis, je me prive de sortie pendant 2 semaines et demie. On se cotise pour l'essence si on trouve une voiture, mais c'est quand même moche d'être sans argent de poche. Quand je reçois mon billet de 10 francs, pour moi c'est comme une victoire. Un vrai trésor qui pour certains ne représente qu'un pourboire. Ah, plutôt que d'être blasé comme ces gens vaniteux, je préfère être fauché, je suis le plus heureux. D'après un bon chalon, je m'en vais en sifflant. Ce n'est pas si moche d'être sans argent de poche. Du des goyaves, des kiwis, des litchis ou les fruits défendus. Le temps c'est de l'argent, et l'argent c'est du vent. Les temps sont durs maintenant, on n'est jamais sûr d'arriver à temps. Je somnolais dans un resto en dehors de la piste quand un rugbyman barjo m'a réveillé en sursaut. Il m'a tapé dans le dos en disant: hey l'artiste, faut que tu retournes à Melbourne au plus tôt. Je regarde la montre, voilà déjà 3h15. J'ai un rencard à l'hôpital et je suis en retard. Alors j'ai conduit comme une ambulance. Faut pas laisser traîner les urgences. Le temps c'est de l'argent, et l'argent c'est du vent. Les temps sont durs maintenant, on n'est jamais sûr d'arriver à temps. Je garde ma voiture et je croise un mendiant. Il avait une pâle figure pourtant. Il buvait en marmonnant. Une chose est sûre, chaussure, t'es à côté des pompes funèbres. Comment déposer sur mon bureau, ça vient d'une grenouille qui bosse aux impôts. La vie passe vite, il faut que je me grouille, faut que j'évite cet orage d'embrouille. On peut pas taxer le temps, on peut pas taxer le vent. Alors l'État taxe les gens, chacun en veut pour son argent. Depuis toujours et encore pour longtemps. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. On perd son temps en luttant contre le temps. Lutter contre les moulins d'argent, c'est lutter contre les moulins à vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du vent. The KFAI Board of Directors typically meets on the fourth Monday of each month. Did you know that these meetings are open to the public and you can observe to learn more about how KFAI works? Visit kfai.org/about-kfai/board for more information and the link to the Zoom meeting. KFAI is proud to present Full of Hell at the Amsterdam Bar, Friday, November 12th in St. Paul. With support from End, Inter Arma, and Wake, this show is guaranteed to leave you trumpeting ecstasy. Tickets for Full of Hell are available now at First Avenue's website. Visit first-avenue.com for more details. C'était un tueur à gage, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là. Et voilà, voilà. So we're back. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio? Yeah, for Pledge Drive Night. We just listened to Pat Winther with Ailey Sanders with L'Argent de Poche. Then after that, it was Jacques Dutronc with L'Amour et le Moteur du Monde. And then just the last song was Chalély Couture with Le Temps, L'Argent, Le Vent. And we have the chance to have with us Amita from Panache Apple. And so everybody who gives money tonight can have some juice, some apple juice, some Panache apple juice with some botanicals in it, different things. I think I really like the ginger. That seems to be very popular, mm-hmm. Ginger and turmeric. Yeah. For year round. It's I know my daughter, she loves the one with turmeric. Mm-hmm. Yeah. So if you give $20 to KFAI, you can have a pack of six. And and if you give the first person who gives us $50 can have like a small bottle of cider, which is also made by Panache. And the big bottle of cider can go to whoever gives us $100. Mm-hmm. But it's the first one. Yes, it's a big bottle. And congratulations to Angie, because she won the ticket for the Café Accordéon Orchestra cool. for tonight. Yeah, at the Dakota mm-hmm. on Sunday, November 19th. So, yeah, congratulations. And we're gonna talk a little bit. We're gonna listen to a little bit more music too. And mm-hmm. That's what we're here to do. We'll talk a little bit about the events after, what's coming up in the Twin Cities. Or maybe first, is there anything you would like to, Amita, to add about your cider or your, method that you use? I mean, you talked about the double fermentation, etc. But I don't know if you want to tell us a little bit more about your... Yes, it is... It is my journey, and it is also the journey of many people who listen to KFAI. It's an immigrant mm-hmm. journey. Yeah. Although I'm of South Asian origin, I did study in France. So these products of Panache are a result of who I am from South Asia. That's the juices that have ginger and turmeric in it, based on Ayurveda, which is a science behind yoga, food science behind yoga. And then in France, I learned a totally different culture that I loved and enjoyed. So that culture then shows up in the hard cider, mm-hmm. which is based on Normandy and Brittany and Normandy methods. And the two connect because they are good food. They are good beverages. They are. Yeah, and I think we all... appreciate good stuff, mm-hmm. good music, good company, good radio. Thank you. So that's where Panache comes in, offering these products from two different cultures and parts of the world, but concentrating on one thing that unites them, which is good quality. Mm-hmm. Yeah. But with things that are part of our Minnesota soil, because mm-hmm. we've also come and settled here. Yeah. So the apples come from southern Minnesota, La Crescent area, where yeah. I curate the apples like the way I was taught in Normandy to do so. Okay. And then do the process that they have in Brittany to juice and to go ahead and refine it and take care of it and mm-hmm. yeah. then do the double fermentation. So I'm really feeling privileged to share it with KFAI members tonight. Mm-hmm. We really appreciate it. Thank you very much, Amita. Mm-hmm. And so we're going to listen to three more songs. The first one is going to be from Bernard Lavillier. And because we talk about pledge drive, it's about money. And this one is Les Aventures Extraordinaires d'un billet de banque. Mm. The extraordinary journey of a banknote. Yeah, banknote. And then we're going to listen to Richard Gottener with Macache Pépette. Mm-hmm. And then Patricia Cass with Ceux qui n'ont rien, the ones who have nothing. That's who she sings for. Yep. All right. On y va? Eh ben c'est parti, mon kiki. J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait c'est fin de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type... assez bizarre, qui travaillait tard le soir, à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans, ou de la soie, en jaguar et en matras. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus.

t'as laissé de ta jeunesse derrière les barreaux d'une prison. Parce que t'avais eu de la tendresse pour une bagnole ou un blouson. Quand t'as laissé passer ta chance ou qu'elle t'a pas reconnu, tu te retrouves en état d'urgence au bureau des objets perdus. Moi qui connais le gris des couleurs de la nuit, laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien. Laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche à donner quelque chose de bien, qui cherche à couper l'écart du destin. T'as regardé passer ta vie avec l'impression d'être en faute. Tu te demandes pas si t'as envie de vouloir être quelqu'un d'autre. Quand t'as regardé toutes ces vitrines avec tes mains derrière ton dos. Même si demain t'es James Dean, t'aurais l'impression d'être zéro. Moi qui connais le bleu des matins malheureux, laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien. Laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche à donner quelque chose de bien, qui cherche à couper l'écart du destin. Voilà, we are back again. Indeed. We keep coming back. Yes, because we have to say what song we play. Yeah, that's true. And we want to play more songs. Yeah, we listen to three songs and mm-hmm. You're still listening to Bonjour Minnesota, and this is still Pledge Drive, and Amita is still with us. Yes. And so what did we listen to, Freddy? So we listened to Bernard Lavillier with Les Aventures Extraordinaires d'un Billet de Banque. Then Richard Gottener with Makash Pepet. He's funny. I mean, just looking at him is funny, but his songs are funny too. And Patricia Cass with Ceux qui n'ont rien, the ones who have nothing. It's a theme about money because we're doing the pledge drive for KFAI Radio, who is listener supported. A big part of the budget is coming from you guys, and the big part of the expense is not coming from us because we are volunteering our time. So every time you tune in and you hear someone or somebody like talking on the mic, talking about what they like, whether it's a talk show about disability or about indigenous about LGBT or music, about metal or hard rock, all of the people you hear on the air are volunteers. So we need your help. And for that, you can go to kfai.org and give us what you can. You can also become a sustaining member with a minimum. I mean, there's not really a big minimum, so it's pretty easy peasy. And if you have a car or a vehicle of any kind that you don't know what to do and you think that you're not going to get any money out of it, well, you can get a good tax deduction. True. And it doesn't even have to work. I mean, it's better if it does, but it's being lifted up. Yeah, it's being towed by a specialist. Oh, they do everything for you, and it's very quick and seamless and painless. That is true. And the three of us, I mean, not Amita, but Adrian, Freddie, and I, we all did. Adrian was 2 years ago, yours was a year ago, and mine was this year. Yeah, indeed. So, yeah, that's another good way to contribute if you can. So, yeah. And tonight, and not only tonight, because it's as long as we have some. Mm-hmm. So if we don't give everything away tonight, we'll have some for next week. But if you give away for the show Bonjour Minnesota, if you give $20, we have apple juice. And Panache apple with botanical in it. And it's shelf stable and it's very good. It's sweet, but sweet like apples. It's not overly sweet. No. Because, I mean, often when I drink, whether it's apple juice or lemonade or whatever, I always have to cut it down with water or things like that to make it less sweet. Or alcohol. No. I don't put water in beer. Neither in wine. No. I mean, you cut lemonade with alcohol. Oh, I could do that, yes. I didn't mean that you were putting water in beer. No. And so, yeah, we have this wonderful pack of six. And we have, for the person who's giving us $50 first, we have a small bottle of cider. And for the person who's going to give us... A full bottle. Yeah, a full bottle for $100. Yeah, exactly. So thank you, Amita. It was very nice of you to very generous, and we'll see you again because we'll talk more apples. You know, Freddie, the fun in all of this is all mine. It's not every day that one gets to talk with wonderful guys like you on the radio. So this is great fun for me. And good things are to be shared. So sharing my products, whether it's infused juices or hard cider, is really a no-brainer. Even better is that your listeners sharing it can not only have it this one time, but going to my website, if they want to repeat the experience, they can have it a second time, third time, at all retail stores or even ordering online. And if they really love it, I don't mind coming back. But you have to invite me. If you do invite me, I'll come back. I'll participate. I'll give more. That's good to know. I'll be very happy to connect with you folks again. Thank you, Amita. Merci beaucoup. We'll probably have you back for ciders, talking about apples and ciders. Well, in the meantime, we're going to listen to more songs about money. Because that's what paid the bills, the electricity. And we're going to listen to Damien Saez with Des Petits Sous. Then another song from Damien Saez called On n'a pas la thune, We Don't Have the Money. And then Jacques No with Pognon. And before that, vous écoutez Fraîche Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fraîche Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Mm-hmm. And we're going to play the music. Si neurones dans le cerveau qui disparaissent de jour en jour, dans les petits bois, les petits discours, des petits rois dans les basses-cours, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits conjoints à pile aux faces, des petits qui vont grossir les ventres, des petits caissiers dans les carrefours, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits pour payer ton loyer, des petits pour la communauté. Taper, taper sur les claviers des pompes funèbres au cours d'école. Faut voir comme les petits sont fringués. Y'a de la griffe sur les guiboles. Des petits insectes sur les fleurs. Des petits bugs dans le computer. Des petits pour l'eau, des petits pour l'air. Des petits pour pourrir l'atmosphère. Marcher, marcher, les petits pinsons. Les petits rois, les petits cons. Des petits pour vendre qui on est. À la crier sur les sourires, des petits tortues dans les parties, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile ou face, des petits qui vont grossir les gros, qui rendent les petits toujours plus petits, pour que le petit n'ait d'autre choix, pauvre de lui, que de faire des petits, oui, oui, des petits sous, qui veut des petits sous. L'important c'est d'y croire. On n'a pas la thune mais l'espoir. Pas le blé mais l'envie. L'important ami c'est d'aller jusqu'au bout de la nuit. Bien sûr y'a les cons au pouvoir. Où tout ça nous mènera. Passer la nuit sur des trottoirs. On va marcher dans le noir. Dans la nuit devant l'horizon.

et repart sera par là. Faut pas se fier à ces choses-là. Il repart, c'est par ici. Il repart, sera par là. Faut pas se fier à ces choses-là. Wally Wallou. We are back. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And we are still doing pledge drive, so feel free to send money our way, kfai.org. Thank you very much to Angie, and thank you very much to Kelly. Kelly gave us money too. Oh, yeah. Merci Kelly. Thank you, thank you. And we have Amita tonight, not for very long anymore, but because she has a life, so she needs to go home. But she came with panache, mm-hmm. apple juice, and with cider. And cider. And so if you give $20 to Bonjour Minnesota and to KFAI, you can get some a pack of six apple juice, and they are very high quality apple juice. Yes. And with specific techniques and local mm-hmm. apples. Yeah, same thing with the hard cider, and you can get a half bottle if you give $50, or a full bottle of 750 milliliters, or $100. Yeah, so. Indeed. So thank you, Amita, for coming. Merci beaucoup, Amita. Oh, de rien, de rien. C'était mon plaisir. And, you know, with this holiday season coming up, mm-hmm. very soon it'll be Halloween and then Thanksgiving. Yeah. And then after that, before you know, it's Christmas and New Year's. Yeah. The hard cider works very well because it's got a celebratory aspect to it, and it pumps. Mm-hmm. It's very festive. Yes. So I'm going to wrap up my time with the radio and all you listeners and ensure that I have enough inventory for the holiday season mm-hmm. so that wonderful folks like you who like quality, who like good stuff, who Thank like you. Good music and good radio can also enjoy can the good products. Can you remind us your website? Ah, yes. My website is panacheapple.com. Okay. And we have a very strong retail presence in Kowalski's and Hy-Vee's and nice. Independent stores. We're online at mm-hmm. Amazon, fair.com. And, you know, Drizzly. There's a new online platform called Drizzly that does that. Sell alcohol products. And Panache cider is there too. Very nice. So all you listeners, thank you for your fidelity and your pledge. And I look forward to talking with you very soon in the very near future. Thank you, Amita. Thanks, Freddy. Merci, Amita. Thank you, Romain. Then we're going to play one more song. And we're going to play some song, and then after that, we're going to come back and talk about the events. All right. So we're going to listen to Trust, with Toujours Pas Une Thune. No. Still no money. No money. Mm. Then we're going to listen to an artist that I discovered not that long ago, Inaïs. Ah oui. She's from Paris, but of Asian origin, and mm-hmm. the name of the song is L'Argent, or Money. And then Les Sales Majestés, the Dirty Majesties, with Sois Pauvre et Tais-toi, Be Poor and Shut Up. Mm-hmm. All right, on y va. C'est parti. We'll be right back. concert, on fera de l'ordure. Chérie, j'aime les yeux qui scintillent. Oh mon amour chéri, vaut bien tout ce qui brille. Donne-moi mon cœur, compense mon ardeur. Oh moi qui sens pudeur, supporte ta laideur. Donne-moi tous tes sous, je te ferai mes tissus doux. Donne-moi toutes tes cartes bleues, je te sortirai le grand jeu. Donne-moi tous tes sous, je serai ton petit joujou. Donne-moi toutes tes cartes bleues. C'est le bonheur, c'est onéreux. Regarde-moi chérie, je suis jeune et si jolie. Mais ton corps tout gris est déjà tout flétri. Pense à moi mon cœur, quand arrivera ton heure. N'est-ce pas notre bonheur, pourrir avec tes fleurs. Alors donne-moi tous tes sous, avant qu'on me mette dans le trou. Donne-moi toutes tes cartes bleues, tu peux m'aimer depuis les cieux. Donne-moi tous tes sous, je suis encore ton petit joujou. Donne-moi toutes tes cartes bleues, tu sais le bonheur c'est onéreux. Mon artère, mon amour, mon chéri, donne-moi tout ce qui brille. Regarde comme je t'aime mon cœur, l'argent fait bien le bonheur. Regarde-moi chéri, il y a longtemps que t'es parti. C'est quoi l'amour chéri, quand tu n'as plus de crédit. J'ai tout donné mon cœur, ton foot, mon postérieur. Pour un jeune profiteur, qui me donne tant de bonheur. Il me dit donne-moi tous tes sous, je te ferai mes tissus doux. Tes cartes bleues, je te sortirai le grand jeu. Donne-moi tous tes sous, je serai ton petit joujou. Donne-moi toutes tes cartes bleues, tu sais le bonheur c'est onéreux. Sapeur-pompier, tu sais sauver des vies, ça rapporte pas de blé. Oui, le petit cheminot. Tu sais, les privilèges, c'est pas pour les prolos. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours, on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours, on galère, tous les jours, on galère. Toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère. Oui, sois pauvre et tais-toi, oui, sois pauvre et tais-toi, oui, sois pauvre et tais-toi, oui, sois pauvre et tais-toi, oui, sois pauvre. KFAI is proud to present L.A. Buckner and Big Homie at the Dakota on Halloween, Tuesday, October 31st. L.A. Buckner is a performing musician, teaching artist, and producer from the north side of Minneapolis, and his dynamic and electrifying band, Big Homie, is a powerful fusion of musical styles, incorporating elements of funk, rock, hip-hop, gospel, and jazz. With captivating performances and catchy melodies, L.A. Buckner and Big Homie have been winning over audiences and gaining recognition for their spiritual sound. Tickets for L.A. Buckner and Big Homie can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Et voilà, voilà. Voilà, we are back. Yes, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, and this is Freddie. And Romain. And we just had Amita in the studio, and she went home, but she left us some panache apple juice. And hard ciders. And hard cider. So if you give $20 to KFAI, take advantage of it. We have like a pack of six for you. Mm-hmm. And if you give $50, we have a small bottle of cider. And if you give $100, we have the big bottle of cider, mm-hmm. Hard cider. Hard cider, yes. Yeah, very nice. So we're going to talk a little bit about the event. Maybe I should back announce first, in case you're wondering what we listened to. The first song was from Trust with Toujours Pas Une Tune. After that, it was Inaïche with L'Argent and Les Sales Majestés with Sois Pauvre et Tais-toi. We're going to talk about the event. The first event we're going to talk about is the Café Accordéon Orchestra. Congratulations to Angie for winning a pair of tickets. It's going to be on November 19th, so it's as a little bit of time. We have two more pairs to give away, which we'll do next week, mm-hmm. And because it's still pledge drive. And then on Saturday, the 20th, there's going to be at the Walker Heart Center, there's going to be Nasera Belazza from with a show called Lond, with a prestation, with a representation, mm-hmm. of Lond. She's a dancer, and she's internationally revered for her powerful abstract work. Nasera Belazza draws a path between shadow and light using a rigorous focus to create a bond between performance and ceremony. In Lond, the French-Algerian choreographer immerses five dancers in a darkened theater for mesmerizing meditation on the body's capacity for transformation. And if you go to the Walker Art Center, whether it's website or Facebook page, you can have more information. It's part of the event that we are sharing as well. So we have tickets to give away for that. If you're interested, send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. Mm-hmm. But the deadline is tomorrow morning to give away to give the name. So it's tonight or tomorrow morning, very early. Like before 4:30 a.m. No, I won't be. I won't be up for that. No, but I'll say before, if he comes before 7 or 8, mm-hmm. We'll be okay. Also, save the date, meet French filmmaker Christine Loyes. The Somerset Champions invite you Tuesday, November 14th, at a film screening and Q&A session with French filmmaker Christine Loyes for a new documentary, En avant l'étoile du Nord, ou La joie de vie. The event is at I said, like Tuesday, November 14th at 7 p.m., and it's at the Somerset Public Library located at 208 Hutt Street in Wisconsin. And Bonjour Minnesota and Freddie and I are actually featured. Exactly. In the film. We are in it. And so Christine will be there. And the movie is about 62 minutes, it's in English. And public library, and there's no cost that I can tell. Mm-hmm. So, good. Yeah. Take advantage of it. Then on Saturday, the 28th, between 12:30 and 1:30, Cookie Dalloween for teens. So it's a workshop for the teens to make cookies at the Alliance Française. So it's organized by them. Oh, they have a different address, though. Oh, no. It's not a different address. It's a different street number. They said 919 Second Avenue. North in Minneapolis, which is Second Avenue is the Second Avenue versus Colfax, you know. Yeah. Weird. Interesting. Instead of the 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. So if you want more information, you can go to afmsp.org. Mm-hmm. And the week after, not this Saturday, but Saturday after, there's going to be the Petit Déj. So we'll talk about it again next week. And the same Saturday, from 10:30 to 11:30, there's going to be the Franco Kid Découvrons Québec. So if you have kids, you can go online on afmsp.org. But the event is going to be in person, though. So it's going to be at the Alliance Française. Yeah. No, I was saying, you know, to get more information. Yeah, to get more information, yeah. Yeah, they say enjoy an hour of discovery, this French-speaking Provence, and enjoy some snack too. Which is always good. Yeah, no cost. Cajun dance at Concordia Ballroom on Saturday, November 4th as well. And it's by the New Riverside Ramblers. So that's going to be fun. And it's in La Crosse, Wisconsin. Where? It's 1129 La Crosse Street, La Crosse, Wisconsin. Concordia Ballroom, La Crosse. Hmm. I don't know. I'm not familiar with La Crosse. It's at 6:30. I am, but I'm not familiar with the Concordia Ballroom. Mm. There's a small cost, but it's not very high. It's on our Facebook page, too. And what else? Carnet d'Expédition, it's on October 26th, so that's coming up. And it's from 9 to... it's on another... C'est du radis, hein? Yeah. It goes from October 26th to November 9th. It's an exposition, Carnet de Voyage, mm-hmm. exposition de croquis. So it's at the Alliance Française, and you can... I mean, the opening is on October 26th at 6 p.m., but after that, you can feel free to go to the Alliance Française, and as long as they are open, you can go to the gallery Valère. Gallery. Yep. And if you want more information, afmsp.org. And Cine Club, this Friday, the 27th, from 6 to 8, with a movie called À l'abordage, inspired by Guillaume Braque. So it's at the Alliance Française, and it starts at 6 p.m. It's from 6 to 8. And the Alliance Française is... 919 2nd Avenue North, Minneapolis, Minnesota. All right, that's it for the events. It's quite a bit. Et c'est pas mal déjà. Yeah. Pour une semaine, c'est... Well, I bleed a little bit into some other. But sometimes we don't have as many events. Yeah, that's true. But here, because I wanted people to have enough time to know about Christine's movie and, you know, like some of the events that are coming up later. So now we're going to listen to Charlie Bell with Donnez-moi du fric. Ah oui. Yeah, give me some money. Then MC Solar with Cash Money. And then Menelik with Liquid. L'argent liquide is cash, pretty much. And it's still Pledge Drive. So if you can support us, please feel free to do so. KFAI.org. Et on y va. Eh bien, c'est parti, mon petit-ti. Bon, j'ai pas de thunes, mais j'aimerais dépenser. J'aimerais bien m'amuser juste une fois sans compter. Avoir de la lune, être toujours sapé. Pouvoir me la raconter dans les soirées privées. Oh. Mais là, je suis à court et mon compte est vide. Et je suis à la bourre. Tous les taffes me virent, je suis pas dans le coup. Et j'ai besoin de fric pour me mettre à jour. J'aimerais bien partir. J'aimerais bien partir pour la tête TV. Sirotant un verre durant tout le trajet. Mais je sais que je suis loin, c'est de réalité. pour les ladies, pour les ladies. C'est pour les mecs, c'est pour les ladies et les mecs. Cache mon œil, une voiture rouge. Donne-moi tout ça, sinon faut que tu bouges. Voiture 37, je veux des Prada. Ne joue pas le radin, j'ai besoin de ça. Je suis une matérielle, bébé, je t'aime. C'est vent qui fait harpel si tu m'aimes. Pour le week-end, c'est 4x4 marron. Tableau de bord façonné par Louis Vuitton. J'ai une femme modèle, moi du cash money. Des billets, pas de petite monnaie. Je suis une femme modèle, moi du cash money. Des billets, pas de petite monnaie. Je suis une femme modèle, moi du cash money. Moi, je suis à l'ancienne, j'ai plus de cash money. Je veux que tu m'amènes à Aspen dans le Colorado. Que tu mettes ta SACM dans une montre radio. Les filles comme moi veulent du cash money. Elles aiment le pur sang et se foutent de poney. Moi, au fast food, j'aime pas les déconneurs. Je veux plus que deux frites, un soda, un cheeseburger. Si tu m'aimes vraiment, s'il te plaît, mets le prix. Je veux visiter Tahiti, chérie, m'as tu compris? Je suis une femme modèle, moi du cash money. Des billets, pas de petite monnaie. Je suis une femme modèle, moi du cash money. Des billets, pas de petite monnaie. Je suis une femme modèle, moi du cash money. Des billets, pas de petite monnaie. Je suis une femme modèle, moi du cash money. Moi, je suis à l'ancienne, j'ai plus de cash money. T'auras de la neige chaude, de l'eau déshydratée. Des bijoux faits de dents de poule que l'on trouve en Érythrée. Un manteau en dahu, car la chasse est ouverte. Des œufs de bison sur cuisse, d'anguille à la cannelle verte. Un coupé majorette, une berline matchbox. Une bague que m'a donné Zidane après son match de boxe. Et nous passerons des vacances là-bas dans l'Atlantide. À l'ombre des bonsaïs qu'a planté la reine Astrid. T'aimes la F1, et ben on dormira dedans. T'auras le collier en argent de la bête du Gévaudan. Et quand nous reviendrons, ce sera en avion renifleur. Je t'offrirai le dernier bebop pour que tu appelles ta sœur. Je te referai le bug qu'il y a eu en l'an 2000. T'amènerai à la plage dans le golf de Tchernobyl. Au zoo, je te montrerai la bête de Roswell. T'offrirai des légendes qui pour toi seront réelles. L'oiseau qui pond des œufs, d'où provient le caramel. Le village montagneux ou avec une gargamel. Ne crois pas que j'ai fini, non petite, ça n'est pas fini. On sera en liberté, protégé par l'ancienne Stasi. Aussi vrai que l'ordonnée croise l'abscisse. Je t'offrirai Solar en direct sur TV6. Car t'es une femme modèle, tu veux du cash money. Des billets, pas de petite monnaie. Je suis une femme modèle, moi du cash money. Des billets, pas de petite monnaie. Je suis une femme modèle, moi du cash money. Des billets, pas de petite monnaie. Je suis une femme modèle, moi du cash money. Des billets, pas de petite monnaie. Je suis une femme modèle. Moi, je suis à l'ancienne, j'ai plus de cash money. Choqué par la teneur de mon dernier texto. Le gars s'émeut car je osais réclamer mon liquide. Que l'enflure se dise mon pote, que je l'appelle et qu'il ne réponde pas. Y'a bien des chances pour que ce soit lié au liquide. On le décline en euros, yens, dollars, jamais en CFA. Bien peu sont passés maîtres dans l'art de toujours paraître liquide. C'est quand même marrant comme l'allégorie de Vinom. Ce qui cause peine au quotidien brûle comme un acide liquide. Et un parcours parsemé de faux pas, semé de plein de choses qu'il faut pas, la foule pige pas. Dans l'arnaque, le pigeon est toujours liquide. Le système se débrouille pour que les mêmes gagnent, sinon ça part en couille. Je te le dis ma couille, tu sais bien au final qui sera liquide. J'ai longtemps cru au mérite, un drame de l'école, j'étais resté big fan. Depuis je lutte, la réalité m'enflamme. J'ai rencontré des gens amers qui le long des routes se damnent. Vendre père et mère pour finir liquide. Parfois l'argent rend les gens débilis, les rend très souvent servilis, rarement gentilis. Par la peur de perdre les oubliés, leur côté tranquillis. Dès le ventre de la matière, la matrice, l'univers dans lequel j'ai baigné ma nourrie. Et Dieu seul sait à quel point j'ai détesté être extrait de l'amniotique liquide. Des 7 ans citoyens du monde expat, mais délicatérie en France l'éclate. Rejetons de l'Afrique le suprême royaume liquide. Mon breton du fier comme un coq, mon dépaysement fut un choc. Mais j'aime toujours mon manioc avec un gombo liquide. Tout comme les nouveaux-nés braille, les chargés d'affaires graille. C'est mon fric, ma bataille sur la tête des vaincus. Le monde fait ripaille. Quand tu sens le gage, sache que tu seras mis au banc. Faut rester solide, même l'imperméable devient corruptible quand on lui verse du liquide. Le billet sort du passeport, le préposé de dignité drapé va tirer la note et timbrer le doc comme si rien ne s'est jamais passé. Faut que l'on essaye, faut que l'on se paye extra, qu'au final on se définisse par ça. On veut la Smart TV incurvée, pas de montre poignée en cristaux liquides. De ce rap game original, MNLK le marginal. Depuis 25 piges, kick sur les scènes, un flow fluide et liquide. Pendant que la reine violence sur scène catalyse sa haine. Exemple Notorious B.I.G. que chaque course tout pack liquide. Certains le préfèrent avant ou après, le rap c'est un débat insipide. À ce qu'on dit c'est B2EB à qui aurait la muscule liquide. C'est une lutte d'égo, de micro, concours des plus grosses bourses. Je déclare la pensée seule, le portefeuille d'actifs liquides. Et on voit se rouiller, terre délaissée, planète bleue sacrifiée. Oiseaux m'ajoutés sous des assauts d'or noir liquide. Si comme on le dit, on ne prête qu'aux riches, on est donc en droit de penser que les banquiers sont devenus les lacs et du liquide. Et tout le monde rentre dans la procession afin de louer notre dieu liquide. Et tout le monde compte bien ses positions pour rendre le bilan à son dieu liquide. Et tout le monde veut slalomer, l'impôt devient dévot pour son dieu liquide. On te liquide, tu n'es rien si tu n'es pas liquide. The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Et voilà. Voilà, voilà, we are back. Yes, so what did we listen to? Three songs. The first one was from Charlie Bell with Donnez-moi du fric. And after that it was MC Solar with Cash Money. And just now was Menelik with Liquid. Mm-hmm. So all about money. Right. And because it's Pledge Drive. So if you can help us, keep us on going. You know, I'm sure if you're listening to us, there's some things that you like in us. And we're not sure what, but nonetheless. And maybe we don't even want to know. Yeah, yeah. Maybe we should keep it a secret. Just give us some money. And we have some panache apple juice that is wonderful with and hard cider and hard cider and fancy the fancy apple juice has botanicals, and so there's some ginger and turmeric and turmeric. Mm-hmm. That sounds about the same. Turmeric or tuner. Feel free to take advantage of it. All right, well, it's the last 15 minutes. Ah oui. So I think we can do probably two sets. We're going to start with Nec Marron, mm-hmm. La Monnaie, yeah, the money, mm-hmm. or the change. Then it's going to be Brahim with À peine le temps. Mm-hmm. He's more ragamuffin. And I discovered him because he's part of Tour. I mean, like when we had the Sister City coming, like mm-hmm. the people from the Sister City, Tour. Mm-hmm. I looked up, you know, who was from Tour, which artist, and Zaz was the most known. Mm-hmm. But, Rabelais? But his singing was somewhat limited. Yeah, true. But outside of Zaz, there was other, like Brahim was one of them. There was also like a guy who does techno and things like that. So that was mm-hmm. a good discovery. Mm-hmm. So Brahim with À peine le temps. And then Professeur T with L'argent. Ok. On y va? Eh bien, c'est parti. Yeah! Une fois de plus, c'est Nec Marron qui vient vous parler. Non, dis-moi qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Dis-moi qui a dit que l'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais laisse-moi rire!

Avant déjà c'était chaud, avoir de l'argent c'est chaud. Aujourd'hui ils veulent nous étrangler avec la ceinture qu'il fallait serrer, serrer. Déjà 10 ans plus tôt, tout le monde veut du gâteau et on veut le plus tôt. Pour si l'on en a marre, donnez le voir qu'en photo. Donnez-nous plutôt plus d'euros. Oui, à peine le temps de voir l'argent que j'ai gagné, que l'État m'a déjà tout volé. Oui, à peine le temps de voir l'argent que je n'ai pas, qu'il faut que je redonne tout de suite tout à l'État. À peine le temps de voir l'argent que j'ai gagné, que l'État m'a déjà tout volé. Oui, à peine le temps de voir l'argent que je n'ai pas, qu'il faut que je redonne tout de suite tout à l'État. Oui, tu travailles sans relâche, tu travailles comme un con, tu te tues à la tâche, docile comme un mouton. Mais à la fin du mois, quand arrive ta paye, tu payes toutes tes factures. Voilà ta condition jusqu'à 62 ans. Quand tu seras rouillé, là ils te laisseront un peu de temps. Profite de la vie maintenant que tu es vieux. Avec tes 600 euros, surtout n'oublie pas d'être heureux. Mais qui fabrique l'argent, qui détient les planches à billets? Certains ont du mal à manger et à s'habiller. Leur morale est moche, leur morale est maquillée. Veulent-ils notre bonheur ou juste nous utiliser? Oui, à peine le temps de voir l'argent que j'ai gagné, que l'État m'a déjà tout volé. Oui, à peine le temps de voir l'argent que je n'ai pas, qu'il faut que je redonne tout de suite tout à l'État. À peine le temps de voir l'argent que j'ai gagné, que l'État m'a déjà tout volé. Oui, à peine le temps de voir l'argent que je n'ai pas, qu'il faut que je redonne tout de suite tout à l'État. La vie est trop chère, la vie est trop chère. La vie est si facile, une réussite qui met pas au délire quand tu débutes. Si tu t'enfuis, tout le monde te refuse. Oh, bien avant les gens qu'on m'appelle mon Dieu. Je marche dans la rue, je n'ai pas de quoi manger. Business à la main, je n'ai pas la carte bleue. Je suis le prolétaire avec la tête, on fait du blé. Je suis le ministre avec la balle, on fait du jeu. Même son chien, il a de quoi manger. Je suis le premier ministre, on m'avait déroulé. Pour voir le président, on m'avait refoulé. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes faire des problèmes à leurs parents. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? L'argent n'amène que des dégâts. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes faire des problèmes à leurs parents. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? L'argent n'amène que des dégâts. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? On rassemble des peuples pour des combats. À cause de l'argent, on fait ce qui ne va pas. L'argent c'est le bonheur, mais il faut le mériter. Sans ça, il fait ton bien ou le malheur d'autrui. T'as pas honte de mettre le peuple contre le peuple. Pour qu'il te reconduise, tu lui procures des armes. Des frères contre des frères, mais tu es faux. Mais quand tu veux le pétrole, le pouvoir de l'argent, c'est... J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes faire des problèmes à leurs parents. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? L'argent n'amène que des dégâts. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes faire des problèmes à leurs parents. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? L'argent n'amène que des dégâts. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? L'argent égale à l'argent. Ton job égale à ton job. Si tu te maîtrises pas, il faut que tu sortes ou qu'on t'en sorte. Un principe pour ta carrière, man. Il faudra point de tourner. Aïe, aïe, aïe. Malgré la galère, man. Il faudra bien supporter. Oh, oh, oh, oh. L'argent, il faut. faux points et succomber. Il ne va jamais le voler, ses principes respectés. Ton boulot est assisté, il est assuré. J'ai vu des femmes faire des problèmes à leurs parents. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? L'argent, l'argent n'amène que des dégâts. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes faire des problèmes à leurs parents. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? L'argent, l'argent n'amène que des dégâts. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes faire des problèmes à leurs parents. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et voilà. Indeed. We're back for the last time of the evening. Yes, just a couple of minutes. So thank you for listening to us. Thank you for those who gave us money. So thank you, Angie. Thank you, Kelly. We'll have more tickets to give away next week. Yeah. And and thank you to Amita who visited us and gave us apple juice by Panache, as well as hard cider for our listeners, for donors. Yeah. So that's a pretty cool premium. It is indeed. So feel free to give us money and we'll find a way to get you those apple juice bottles and hard cider. All right. So we'll be back next week. Yeah. Thank you very much. Bonsoir.